Posten da Max Frison diputatua bai, gobernua berriz osatzea lortu baitu François Baijuleen ministroak. Alde batera utziak izan ziren dosier garrantzitsuak berriz eztabaidatzen hasiko direla espero du, eta behin da berriz aipatu du laborantzaren gaia lurralde hontako eskaera nagusietarik bat dena. Begionez ikusten du Frisonek bere hurbilekoak gobernuan izaitea, Annie Genevard laborantzan, Bruno Retailleau barne ministerioan, eta iritsi den Philippe Tabarro garraio Joan, aldiz ez daki zer lan egiten ahalko den beste batzuekin. Je me demande comment tout cela pourra fonctionner avec des revenants comme Manuel Valls, avec un certain nombre de grandes figures du macronisme, alors que l'on sait bien que par leur vote... Beste zentsura mozio baten arriskoa ikusten duen ere galdegin diogu, zentsura mozio bat ez dela ondoriorik gabekoa, eta gauzak aitzinatu nahi baldin badira beste gisa batez jokatu behar dela dio Frisonek. Est-ce que le risque de censure est plus ou moins grand? Je n'en sais rien. En revanche, ce que je sais, c'est que contrairement à ce que disaient ceux qui ont voté la censure, et je pense à cet homme de député du département, ce n'est pas sans conséquence. Hainbat makronista gobernuan gelditzen dira, Jean-Noël Barrot kanpo harremanetan, Sebastian Lecornu armadan, eta LGko jasida dati ere kulturan gelditzen da.